Police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du magazine Libertaire, comme tous les jeudis de 21h40 à 22h, de 20h40 à 22h. Donc vous pouvez nous contacter en direct pendant l'émission au 02 40 93 26 62. Sinon, vous pouvez nous contacter par courriel sur maglib@boom.org. Vous pouvez aussi vous balader sur notre site, découvrir des sons et toutes les émissions qui sont mises en ligne sur http maglib.boom.org. Donc voilà, Alternante est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditrices et ses auditeurs. Tout est dit. Ce soir, donc, c'est une émission spéciale. Deux années après la disparition de Philippe, ce soir, il y a son fils, Victor, qui vient faire une émission spéciale en hommage à Philippe. Voilà. Oui, mais bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation que j'ai lancée en hommage à Philippe. C'est vrai que ça me tenait à cœur de venir dans son émission. C'était quelque chose de très, très important pour Philippe, l'émission de radio, de dire ce qu'il pensait, de parler avec les gens. De la France qui pue. De la France qui pue. Malgré tout, dans le bordel ambiant, on est là et on résiste. Et ça, c'était tout Philippe. Donc, je vous remercie. C'est un grand honneur de participer à cette émission. Voilà. C'est vrai que j'ai voulu parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis sa mort. C'est vrai que tu disais sa disparition, mais il est toujours présent avec moi dans mon cœur et dans ma tête, et je pense dans le vôtre aussi, j'en doute pas. Donc c'est vrai que je voulais un petit peu verbaliser tout ça ce soir et enregistrer ça sur des bandes. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de dur, une disparition comme ça, mais c'est aussi important de continuer à vivre derrière et d'essayer de faire perdurer, si ce n'est sa pensée, sa philosophie de vie et ses philosophies de vie, parce que je pense qu'il en avait... Il en avait plusieurs, voilà. En fait, pour continuer, du coup, j'ai souhaité aborder un petit peu l'émission par ordre chronologique, en fait, puisque donc retracer un petit peu les événements qui sont arrivés depuis le 1er mars 2015, date de sa mort. C'est vrai que pour moi, ça a été un gros choc, en fait. À ce moment-là, on s'attendait plutôt dans notre famille à la mort de notre grand-mère, Jeanne Coutan, qui est toujours en vie, mais malgré les difficultés qu'elle rencontre à 88 ans maintenant. Voilà, on ne s'attendait pas du tout à la mort de Philippe. Et du coup, ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Et je souhaitais retracer de manière un peu chronologique les événements et les choix que j'ai fait depuis. Donc c'est vrai que j'étais à l'époque éducateur sportif, je suis toujours éducateur sportif même si je suis sans emploi, et du coup j'ai un petit peu remis de côté l'objectif du CDI qui est le summum social actuellement, et même le statut de fonctionnaire. Donc voilà, j'étais éducateur territorial et je cherchais un emploi. Et j'ai un petit peu mis ça de côté pour faire un projet de centre de vacances. En fait, l'histoire de ce projet, c'est avant tout une histoire personnelle. En fait, à l'adolescence, j'ai toujours voulu avoir un bar, un lieu associatif pour inviter des gens et construire des choses avec les gens ensemble. Petit à petit, ce projet s'est éloigné puisque bon, il fallait avoir des diplômes, avoir une situation stable, etc. Et du coup, ça s'est éloigné petit à petit. Et en fait, j'y suis revenu. J'y suis revenu bien volontiers d'ailleurs, parce que j'adore les enfants, en fait. J'adore créer des choses avec les gens, j'adore les adultes, mais j'adore vraiment éducateur sportif. C'était pour moi un moyen de changer la société par les enfants, et donc le projet de centre de vacances est totalement en lien avec ce que j'ai fait petit à petit. Voilà. Je voulais dire aussi d'ailleurs que, à propos des enfants, à ce moment-là, j'ai décidé avec ma compagne Charlotte d'avoir un enfant, et Alicia Coutan-Follin est née 9 mois jour pour jour après la mort de Philippe, c'est-à-dire le 1er décembre 2015. C'est, je pense, un symbole assez fort, et j'en suis très ému encore aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Je continue du coup à parler un petit peu de ce qui s'est passé, et en fait quand Philippe est décédé, on s'est retrouvé dans l'appartement avec ma sœur Lucille, et l'appartement était, si on peut dire, très encombré. Philippe avait beaucoup de collections de toutes sortes, et notamment beaucoup de livres, et on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de tout ça. Et du coup, effectivement, l'idée a été de dire on va proposer dans un centre de vacances la bibliothèque aux gens. Donc il y a à peu près 10 000 ouvrages. Voilà. Je voulais à ce moment-là, avant de parler un peu plus avant du projet, faire un petit hommage à Philippe et aux obsèques qui ont eu lieu, où j'avais passé la musique de Jacques Higelin, qui est « Pars ». Voilà. « Pars en paix ». Voilà. pas. Avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi. Impatient. Il a du cœur. Il aime la vie. Et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as? Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Nous nous retrouvons avec Victor, donc le fils de Philippe, qui est à l'origine de cette émission. Et on parlait donc de Philippe et des écrits qu'il avait laissés, notamment des 10 000 livres, des écrits, du site internet. Et tu allais nous parler justement de qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça. Mais c'est la question qu'on s'est posée et que je me suis posée maintes et maintes fois pendant même plusieurs insomnies. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais les donner dans une bibliothèque pour les rendre accessibles? Est-ce que j'allais louer l'appartement à des étudiants en sociologie, en philosophie, en sciences politiques ou est-ce que... 10 000 livres, c'est quand même assez... C'est beaucoup quand même, hein. Donc pour les lire en une année d'études, mais, c'est... oui, surtout que voilà, ça va des œuvres intégrales de Lénine à la Bible du sexe, voilà, ça va de Michel Houellebecq à le nucléaire et... pas Michel Foucault. Michel Foucault, il y a une bibliothèque entière de Michel Foucault. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc en fait, moi j'ai pris le parti de dire que d'une part ils avaient été pas enfermés trop longtemps, mais que parce que Philippe les faisait vivre, les partageait avec ses amis et les utilisait pour justement publier des écrits et publier son site internet, enfin mettre son site internet avec des fiches de lecture assez nombreuses et très très intéressantes à consulter pour les gens, mais que justement il fallait un petit peu ouvrir, en plus effectivement j'ai travaillé en tant que bibliothécaire en emploi étudiant à la fac des sports, et du coup je me suis dit je peux aussi moi dans un lieu mettre à disposition des gens ces livres et partager avec eux. Alors bien sûr une des réflexions ça a été de dire je ne saurais pas leur expliquer de quoi ça parle forcément tous les livres, puisque 10 000 livres, on ne peut pas tous les lire. Mais en fait, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que les personnes ouvrent des livres. Voilà, éteigne TF1, éteigne BFM TV et ouvre des livres et qu'on parle là-dessus. Que, voilà. Mm-hmm. Donc, pour essayer de déculpabiliser un petit peu les gens, on a pensé à des petits slogans pour voilà, ouvrir un livre, vous avez tout compris. C'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est vrai qu'on partage, on peut partager autour de ces livres énormément, énormément de choses. Et du coup, j'ai souhaité le lier avec mon parcours personnel et professionnel. Donc personnel, l'histoire, voilà, l'éducation que m'avait transmise Philippe, mon éducation libertaire, etc. Jusqu'à très tard, j'ai pas compris ce que ça voulait dire être libertaire, mais voilà, c'est essayer de résister à l'injustice et créer des choses avec les gens sans être au-dessus, mais à égalité en fait, et faire des choses de manière plutôt ascendante que descendante. Donc voilà, ça c'était mon héritage personnel, philosophique, ou enfin, je veux dire, voilà, de vie. Et ensuite l'héritage, bien sûr, financier aussi. Donc il était propriétaire d'un appartement, donc voilà, avec un appartement donc qu'on avait décidé petit à petit de mettre en vente, puisque nous n'habitions pas, ni ma sœur ni moi, sur Nantes. Nous ne souhaitons pas garder cet appartement, donc voilà, essayer de avec la vente, les deux héritages, de créer un centre de vacances. Et le centre de vacances, voilà, c'est ça que je voulais revenir. C'est en fait, j'aurais pu aussi décider à ce moment-là d'aller effectivement dans le Larzac, élever, enfin vivre de ce que je produisais, etc. Et en fait, j'ai pris le parti de dire que j'avais fait des études jusqu'au master, donc jusqu'au bac plus 5, de manière pas laborieuse, mais je veux dire, c'est quand même un effort d'aller jusqu'à là, puisque quand on écoute un petit peu les sociologues parler du monde universitaire, il y a une sélection en fait très très forte au niveau bac plus 3, bac plus 5, au niveau des classes moyennes, puisque en fait les élites, eux, vont dans les grandes écoles, mais ensuite derrière, les classes moyennes se battent pour avoir ces diplômes-là, rentrer en doctorat. Donc je l'ai vécu, hein. J'ai un enseignant-chercheur qui a choisi un autre étudiant plutôt que moi, voilà, parce que c'est les enseignants-chercheurs qui décident qui va ou pas en doctorat, enfin voilà. Donc j'ai décidé que tout ça n'était pas vain, finalement j'ai quand même fait des choses qui me tenaient à cœur, et donc le travail aussi avec les enfants, et donc d'accueillir dans un lieu des enfants, des classes vertes, des classes découvertes, des classes de neige. Donc voilà, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on allait souvent dans les Pyrénées et dans les Alpes en vacances, donc au ski dans les Pyrénées et l'été dans les Alpes, voir Daniel le berger, voilà, à Barcelonnette, pardon. Et du coup, c'est quelque chose qui était pour moi, voilà. Tu y allais avec Philippe, en fait. Oui, oui. Non, mais c'est avec, j'ai encore trié aujourd'hui les cartes. Il a gardé toutes les cartes touristiques. Et en fait, tous les étés, on faisait des voyages un petit peu différents. Voilà, donc il y a toute l'Ardèche, etc. Et c'est des voyages qui étaient importants, mais la montagne, en fait, c'était quelque chose qui était important. Donc j'ai choisi aussi un petit peu par intérêt de m'orienter vers les Pyrénées pour avoir une saison l'hiver et une saison l'été. Mmh. Voilà. Et du coup, d'allier un petit peu on va tout revenir ça. Là, vers les, sur les, oui, tu pardon. Dis on va revenir vers les Pyrénées, mais tu as choisi les Pyrénées. Mais en fait, c'est oui, tu as choisi les Pyrénées pour créer justement ce projet. Exactement. Le projet que tu as de centre de vacances avec donc en incluant en fait tout l'héritage de Philippe. Oui, c'est ouais. Ça. Et en fait donc il fallait effectivement chercher un lieu. Et donc là, les choses sérieuses commencent, parce que voilà, entre l'idée qu'on a de créer un lieu qui va être sympa, ouvert à tous, et la réalité foncière, la réalité du marché entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, voilà, il est présent à l'heure actuelle en 2017, et il faut l'accepter. Et alors ce lieu, par contre, tu nous as dit expliquer tout à l'heure qu'en fait Ton désir, c'était d'accueillir, c'était plutôt un lieu aussi qui se valait socio-éducatif, on peut dire, socio-culturel, et qui pouvait aussi donner la possibilité à des personnes, à différents publics, en fait, d'accéder à ce lieu et à ces archives, en fait, que, dont que tu as hérité. Exactement. En fait, vraiment, ça, c'est le point fort, le point d'ancrage un petit peu du projet. Effectivement, c'est donc d'allier mes compétences, même si j'aime pas ce terme non plus, mais voilà, mon savoir-faire d'éducateur sportif, d'accueil pour les enfants et du coup, de promouvoir après tout un côté socio-culturel. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les collectivités locales, dans les centres de loisirs, etc. Et je me suis aperçu qu'effectivement, les enfants sont vraiment en demande. On peut faire tout et n'importe quoi avec les enfants. On peut vraiment même ouvrir du Michel Foucault et décrypter du Michel Foucault avec des enfants. Ça me paraît pas impossible. Et sans, blague à part, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un côté social qui est intégré au projet, qui est de dire on va essayer d'accueillir tout le monde et on va faire un petit peu ironiquement comme McDonald's, venez comme vous êtes, c'est-à-dire que voilà, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, on peut tout le monde a sa place, en fait. Exactement, voilà. Et la deuxième chose importante, ce qui a du mal d'ailleurs à passer dans le projet de manière officielle quand je le présente aux institutions, aux administrations, aux banques, etc., c'est le côté social, le côté humain, où moi je souhaite notamment travailler avec le SAMU social pour donc j'ai repéré un lieu dans les Pyrénées qui est situé à côté de Lourdes, d'Argelès-Gazost, et de pouvoir proposer des places d'hébergement à des personnes qui n'ont pas d'hébergement, et plutôt que d'avoir un espace vide et des lits vides, il y en a trop en France, des logements vides qui font juste... Qui pourraient en fait héberger... Exactement, voilà. Proposer au SAMU social, donc c'est le SAMU social qui gère ça, des accueils en l'échange de rien du tout ou de ce que les personnes ont envie, voilà. Et la deuxième chose, pardon, j'ai perdu, c'est d'accueil de migrants aussi, notamment. On est dans une période où on voit effectivement les entreprises françaises qui vendent des armes à l'étranger. On est très bien placé, mais derrière, il y a des personnes qui fuient leur pays et qui meurent en Méditerranée et je trouve ça tout bonnement inadmissible. Et je veux dire, la France, pays des droits de l'homme, a une histoire compliquée avec ça. Notamment, j'ai ma compagne qui travaille sur les exilés espagnols. Comment on les a traités, les républicains espagnols, après la guerre civile, qu'on les a enfermés dans des camps. Je trouve ça tout bonnement inadmissible. Donc, leur proposer des places d'hébergement aussi, de l'accueil de migrants. Donc, c'est pareil, c'est le SAMU social qui gère ça. Et donc, il y a une vocation très forte pour ça. Et je voulais, avant de faire une petite pause musicale, rebondir là-dessus, justement, sur le racisme et sur le fait que, en fait, les migrants sont avant tout une ressource. D'une part, c'est la cause de ce que... Ça n'engage que moi, ce que je dis. C'est ma parole personnelle, mais c'est vrai que... Parce que ça n'engage que moi, Philippe disait souvent ça à cette antenne. Ça n'engage que moi. Non, mais c'est vrai que, on est quand même responsable de ce qui leur arrive, à un moment donné. Il faut être clair. On est, comme j'ai dit... deuxième ou troisième pays exportateur d'armes, d'assaut, Lagardère, etc. On est très fiers. Ça fait de l'économie, mais derrière, il y a des humains qui sont bombardés. Et du coup, on râle contre les migrants certaines personnes dans ce pays râlent contre les migrants qui viennent prendre notre travail. Mais eux, ils sont en demande, en situation d'urgence, et on doit leur proposer quelque chose. Et je voulais revenir juste avant la pause musicale sur le fait qu'il y ait ce racisme-là qui est en train de monter, ou qui est déjà monté, je veux dire, dans notre pays, mais qui est en train d'être dans les médias complètement banalisé. Je pense qu'on est vraiment dans une banalisation qui n'avait pas lieu jusqu'alors, de la parole du Front National

porteur de projet, entre guillemets. C'est vrai que c'est mon projet, je ne peux pas le nier. Je ne veux pas dire c'est un projet qui vient de ma compagne. Ou voilà. Mais après, je n'ai pas une vision descendante en étant chef d'entreprise. Ça m'a beaucoup questionné, notamment de créer ma propre entreprise. Alors que moi, après mes études, j'ai voulu obtenir un emploi de fonctionnaire parce que je croyais au service public, au bien commun. Et je croyais justement à ces valeurs sociales. Et j'ai pas du tout la question managériale. Ça me gêne beaucoup, en fait. Ça me pose beaucoup de questions, et du coup je voulais respecter, même si je parle en mon nom et j'essaye de respecter la pensée de Philippe, mais je sais pas ce qu'il aurait pensé de mon projet, enfin voilà, mais c'est important pour moi qu'on soit tous au même niveau dans le centre de vacances et dans le projet. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une association, en fait, et créer une association socioculturelle qui gérerait l'activité, en fait, puisque donc il y a une partie immobilière, donc il faut une société civile immobilière ou une société X ou Y, la société du Toucan, hein, en hommage à Philippe, hein, voilà, et qui achète le bâti, on va dire, mais après, il y a une partie exploitation, une partie activité, et donc, dans cette partie activité, la volonté était de faire une SCOP, une coopérative ouvrière de production, une société coopérative ouvrière de production, où tout le monde est propriétaire de l'activité, et les décisions se font à l'unanimité des voix, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, voilà. Après, c'est un combat de tous les jours parce que, voilà, dans la communication, il faut arriver à ce que ça soit fluide et collectif. Mais voilà, c'est vraiment une volonté de pas dominer les autres. Voilà, c'est un combat quotidien, on va dire. Et du coup, si on revient à ton projet, en fait, tu nous as parlé que dans ce projet, il y avait un espace en hommage dédié à Philippe, notamment par tout l'héritage dont tu parlais tout à l'heure, les bouquins, les écrits. Donc peut-être tu peux nous en... Enfin, je ne sais pas à quel état est le projet actuellement, mais tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Alors le projet, il n'est pas encore entre les mains des banques, mais bientôt. Non, voilà. Non, mais le projet de la bibliothèque, enfin, sûr, comment voilà. Tu peux... Alors après, effectivement, le projet, il est autour de la bibliothèque, c'est ce que j'arrête pas de répéter aux gens, même si effectivement, quand je rigole, mais je dis le projet, il est entre les mains des banques, parce que les banques vont me dire la bibliothèque ne va pas faire vivre le lieu. Et du coup... moi, c'est central, en fait, c'est indissociable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette bibliothèque et s'il n'y a pas cet espace dédié avec un ordinateur où on peut accéder au site internet de Philippe sans connexion internet, puisqu'on sera dans les Pyrénées, on aura. Voilà, mais tout son site internet, il l'avait sauvegardé au moins une dizaine de fois. Voilà, un espace du Toucan, un espace où le travail de Philippe, la vie de Philippe est retranscrite. Et voilà, je serai pas le garant de ça, mais je veux dire, j'ai envie de faire partager ça. Voilà. Un petit blanc. Du coup, peut-être, on parle beaucoup du site là, mais si les personnes qui nous écoutent veulent consulter ce site. Oui. Quelqu'un a l'adresse ? Oui, c'est www.unlibertaire.net. Voilà, il est toujours accessible. On s'est renseigné auprès de Xavier Niel en personne parce que c'est un site free. Donc, c'est free.fr, oui, pardon. Oui, c'est unlibertaire.free.fr et 1 comme le chiffre 1. Ouais. Exactement. Tout attaché. Ouais, pardon, je me suis trompé. Et effectivement, voilà, c'est unlibertaire.free et.fr. Voilà. Et donc, on s'est renseigné pour que le site soit toujours actif. Et donc, normalement, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme je disais à l'instant, on a les sauvegardes informatiques. Et s'il faut recréer un site internet, voilà, oui, on recréera. Oui, c'est possible, en fait, de recréer. Et surtout, à l'identique. en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a déjà proposé, par exemple, de changer la typographie ou de changer la couleur, etc. Et pour nous, c'est pas que c'est hors de question, mais c'est le travail de Philippe, en fait. Oui. C'est lui qui avait fait ces choix-là. Voilà. Il y avait un projet en cours de retravailler sur le site, mais le projet, il n'a pas abouti. Parce que Philippe, il n'est plus là, et du coup, enfin voilà, si le site, il est comme il est, quand Philippe a bossé dessus, quoi. Oui, exactement. Et puis, je pense que, de toute façon, voilà, c'est des choix que Philippe avait faits. Ils sont critiquables, et tout est critiquable dans l'absolu, mais voilà, c'est vrai que c'était son travail, et il faut le respecter en tant que tel. Je pense que voilà, il y a peu de gens qui peuvent se targuer, entre guillemets, d'avoir fait cette masse de travail. Moi, j'ai souvenir effectivement de Philippe toujours devant son ordinateur ou en train de prendre des notes sur un livre pour faire une fiche de lecture et de suite voilà, la retravailler, la faire relire à ses amis et la mettre sur son site en ligne pour que le plus grand nombre puisse accéder à la culture et à ses critiques et à ses livres. Voilà. Du coup, on va faire une pause musicale et on se retrouve après. Oui, petite pause musicale, c'était « Où est ta révolution, papa ?». Et en fait, c'est vraiment important pour moi. J'avais passé cette chanson quand vous aviez fait l'hommage, qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je voulais beaucoup vous remercier. C'était le jeudi avant le jeudi, décès de Philippe. Le jeudi, ça devait être le 30... non, c'était en février. Bref, c'était le jeudi... avant le 1er mars. Enfin, voilà, fin avant février. Le 1er mars. Et c'est vrai qu'il... Ouais, Philippe avait écouté l'émission. Exactement. Et j'étais... il s'est endormi à 22h. Ouais, il avait demandé à ce qu'on lui mette un poste de radio pour pouvoir écouter l'émission. Et sur son lit d'hôpital, il a levé le ouais. pouce et levé le poing quand il vous a entendu. Il avait le rythme cardiaque qui s'est accéléré. C'était très très émouvant et en fait effectivement il s'est endormi à 22h le lendemain. Malheureusement il était un petit peu moins en forme et un petit peu moins éveillé, mais voilà, en tout cas moi je me souviens être sorti de la chambre d'hôpital et d'avoir appelé Alternante pour demander où allait ta révolution papa. Ouais, et en plus on avait gardé les micros toute la nuit. Bon, voilà, c'était spécial. C'est bravo. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et le blanc. Et maintenant, t'as plus des gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. Et tu sais, moi, je les envie un peu. Tu sais, mec, tu fous le feu dans leur banlieue. Sans pas appris à réfléchir, juste appris à vomir. Et vomir, ça fait du bien. Quand t'attends vraiment plus rien. Quand t'attends vraiment plus rien. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et mémoire et le vent. Et maintenant, la petite vie partout, on n'a pas vraiment avancé beaucoup. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et le blanc. Et maintenant, la petite vie partout, on n'a pas vraiment avancé beaucoup. Et là, on voulait expliquer, depuis tout à l'heure, on parle du toucan, et du coup, on voulait expliquer. Oui, mais le toucan, en fait, je pense que... Enfin, moi, je le retranscris comme ça, encore une fois. Je parle en mon nom, j'ai pas l'explication réelle. Il serait là, il bondirait peut-être si je dis ça à propos du toucan, mais je pense qu'il avait pris ça parce que, voilà, comme il était militant libertaire extrémiste d'extrême gauche, un dangereux perturbateur, il était sans doute surveillé de plus ou moins loin par certains services. Et du coup, il avait pris comme pseudonyme le toucan. Et si, c'est le verlan, si on peut dire, l'envers de Coutan, en fait. Philippe Coutan, le toucan. Voilà. Et c'était un symbole qu'il avait pris. Voilà, et du coup, j'ai souhaité garder un petit peu ce symbole voilà, pour le centre de vacances. Il s'avère que le centre de vacances s'appelle la salamandre déjà. Ah oui? Du coup, bon, les toucans mangent les salamandres. Voilà. Mais, bon, et on retrouve le toucan sur toutes les petites brochures. Philippe n'arrêtait pas de photocopier des petits guides, comment se protéger, comment en manif, tout et ça. Et écrire même des guides, oui. Avec oui. Donc le toucan, ouais. Qui met derrière le guide. Oui. Et même, on voulait rappeler aussi qu'il avait écrit deux oui. livres. Oui, voilà, donc aussi bien au niveau des brochures que de ses livres, il était très actif dans l'association B17, et donc il faisait l'info-kiosque, donc avec pas mal de petits ouvrages assez sur différents thèmes. Je veux dire, quand on est rentré dans l'appartement, les canapés étaient occupés par l'info kiosque, donc il y a une quarantaine de sacs Leclerc plein d'info kiosques qui prêt sont à distribuer. Voilà, prêt à distribuer. Il faisait des tables de presse dans toute Il était généreux, il arrêtait de distribuer. Oui. Des fois tu avais plusieurs exemplaires du même. Je ne sais pas si on peut le dire sur alternante, mais bon, il travaillait dans un ministère et les photocopies n'étaient pas très chères. Et du coup, voilà, il avait ce petit symbole à chaque fois, effectivement, sur ces infos kiosques. Et aussi, à propos de ses écrits, moi, je me souviens, un premier truc que j'ai lu de lui, d'ailleurs, c'est l'introduction du droit à la paresse de Paul Lafargue. Ça m'a beaucoup marqué, aussi bien son introduction que le droit à la paresse. Et du coup, les derniers écrits, effectivement, il a auto-publié deux livres, hein, puisque il avait fait ce parti-là avec plusieurs refus de maisons d'édition reconnues, de monter sa propre maison d'édition. Donc la maison d'édition s'appelle les Éditions de la Graineraie, qui est le nom de la rue où il habitait. Et du coup, notamment son deuxième ouvrage s'appelle « Gérer sa vie ». Et il est encore disponible à B17, notamment, et dans toutes les librairies libertaires, j'espère. En tout cas, si vous avez besoin de le diffuser, vous prenez contact auprès de l'émission ici. Il n'y a aucun problème pour l'avoir. Et il sera disponible dans le centre de vacances... à l'entrée, voilà. Et donc, voilà, gérer sa vie, ça a été aussi pour moi un révélateur, entre guillemets. C'est-à-dire que, justement, comme je disais au tout départ de l'émission, j'étais dans l'attente, si vous voulez, d'un emploi de fonctionnaire. Et en fait, sa mort m'a fait prendre conscience que je pouvais aussi commencer à gérer ma vie, entre guillemets, même si c'était un petit peu ironique, gérer sa vie. Dans la mesure où c'est ce que le capitalisme nous demande, d'être auto-entrepreneur de nous-mêmes, d'être productif, adaptable et modulable. Mais moi, je l'ai pris, si vous voulez, comme une manière de dire j'ai des capacités, en fait. Je ne suis pas rien, je suis une personne, je fais des choix qui sont peut-être différents de certains, qui vont choquer certains, mais c'est ma vie et j'ai décidé de la gérer comme ça et j'ai envie de faire ça et ça me tient au cœur, ça me tient aux tripes. Ce centre de vacances, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral chez moi, de pouvoir allier mon expérience, mon vécu et mon éducation et ce que m'a transmis Philippe, en fait. Et du coup, si on revient à l'espace dédié à Philippe, là, le projet de bibliothèque, quel public, en fait, comment attirer les personnes, en fait, enfin, entre guillemets, attirer les personnes qui pourraient utiliser cette bibliothèque? Oui. Bah, je disais tout à l'heure ironiquement qu'on peut lire du Michel Foucault avec les enfants. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais en fait, effectivement, c'est comment la question qu'on se pose quand on crée une entreprise, entre guillemets, ou qu'on a un projet, comme c'est le cas pour moi. Moi, je me suis rendu à la chambre de commerce, hein, pour créer une entreprise, etc. J'ai fait le forum des créateurs d'entreprises, le forum des entrepreneurs, pardon. Et du coup, on se pose la question de comment on va vendre le produit qu'on va mettre à disposition des clients. Voilà, c'est les terminologies, voilà. Bah, tout est bien défini, en fait. Exactement. C'est la terminologie qu'il faut utiliser pour être accepté dans ce milieu-là. Et du coup, on se pose vite la question de comment faire pour faire venir les gens dans une bibliothèque libertaire, voilà, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Voilà, donc moi, je me suis assez vite rendu compte... Mais le but, justement, c'est de la rendre accessible à tout le monde. Exactement. Exactement. C'est la question. C'est comment je vais faire pour rendre accessible. Et donc, je me suis rendu compte je me suis rendu compte quand même. C'est-à-dire que c'est une hypocrisie totale quand tu veux créer une entreprise et que tu te rends dans une chambre de commerce. On te dit qu'il faut avoir une idée pour créer une entreprise. C'est complètement faux pour moi. Pour moi, on a un concept. Moi, j'avais un concept. C'est-à-dire que j'avais le concept du centre de vacances, mais j'avais pas l'idée du... Enfin, la bibliothèque, c'était pas l'idée qui allait faire venir les gens chez moi. Et donc, pour expliquer un petit peu ma pensée, je prends le parallèle avec la révolution industrielle le problème des éclairages et des ampoules. Et souvent, l'idée, c'est symbolisé dans les bandes dessinées par la petite ampoule. Donc, tac, j'ai une idée, il y a l'ampoule qui s'allume. À cette époque-là de la révolution industrielle, donc les sociétés commerciales se sont penchées sur le problème de l'éclairage, pardon. Ils ont été en capacité de faire des ampoules qui duraient à vie. Ils se sont vite rendus compte qu'ils allaient péricliter et qu'il fallait que les ampoules cassent pour que les clients achètent des nouvelles ampoules. Et du coup, c'est l'idée qu'ils ont eue, c'est la dégénérescence programmée de faire des ampoules qui cassent. Et donc, les clients vont racheter des ampoules, etc. Et donc, moi, j'ai eu une petite idée en écoutant Franck Lepage. Je ne sais pas si j'ai fait un transfert avec Philippe. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à Philippe dans certains points. En tout cas, j'ai bien aimé. Je conseille à tous les auditeurs ce soir d'aller regarder ses conférences gesticulées. C'est un autre libertaire qui fait des conférences et qui est assez intéressant, qui parle notamment de l'éducation nationale, du ministère de la Culture, culture, etc. Et du coup, moi, j'ai eu une petite idée. Peut-être j'ai raté la pause musicale encore. Mais il n'y a pas de souci. on peut laisser le suspense. Et, on laisse le suspense. Ou alors tu peux... On laisse le suspense. Suspense et on fait les 2 minutes de pause musicale. Et on revient tout de suite. Et du coup, la petite pause qu'on vous propose, elle n'est pas vraiment musicale. Comment on va présenter ça? Ben, on vous laisse écouter. Si vous avez été saoulé par les infos toute la journée, si vous pensez que la campagne électorale, c'est de la merde, si vous en avez eu marre d'entendre parler de Fillon toute la journée, même si quand même c'était drôle, c'était quand même assez drôle. Ah, moi j'écoute FIP, hein, tu vois, c'est réglé. Il y a des infos. Ouais, mais 2 minutes. Et ben, on vous laisse un petit flash info d'un autre genre. Crise pour crise et ici. Journée STI, donc terre d'émission action. Roule le pied rouge pour le 4 save. Des tas de 4 occasions cachères à l'Elysée. Des places véliques pour le chétain. Ce week-end creuse son chou pour le port classéaire. Traduction, action des cructions navales basées à Brest. Pas le palmette probable les Britanniques. Salariés de Sonal soit cuillandre. Belle poids et la pression. Chirac n'est pas content. Non, c'est contre des maires. 3 catastrophes, la côte à Kiatur, Leslie Le Tac, Ipsos, elle figure. S'il menait une onde lato Socos, le Alain Rousset, largement en tête tour. Était tête d'outil à la liste, test transfi d'entre eux vers. De boire, mais bon, ça c'est de la tasse, c'est de la voix, donc effectivement, le petit donné, donc je n'ai pas deux yeux dessus. Bien sûr. Bien sûr. Chez de camp et Sonnet a fourni un soutien et si dans la prévention de 3 attentats à Paris avait tué un autre paix, fut donc en droit contre de nous pièces, cas 11 juillet pour un cours. Le 5e Thérium du Dauphiné Léré, la TAPS, peut être aujourd'hui un contre-individu de Kitrarouane. C'est l'ombien, Thiago Botero qui porte, mais c'est américain, l'Eipheimer qui est en bleu de leader. Demain, les coups quitteront tournons pour le tout, 122 kilos trop programme. Frinfo, il est 20h37. Journal de Gilles Bessec. Cours de politique de Dominique Bain. Traction extra minute qu'a dit le Preclois. Nous nous intitulations de 4 pieds. Cube du Sacker à Toulouse. Des agences tout en France. On mélange dans une situation et c'est dirigé vers l'articulation des quatre de caler ce QF s'il se cuit. Donc aujourd'hui, difficile, il reste un petit pose problème. Le sens étant, il y a déjà de temps et il est peint qu'on puisse citer les dates de Champions League qui sont faites. Il reste d'instropie par des cribles, ce n'est que temporaire, mais n'augmente pas cité, donc pas suffisant. Jean-Pierre Mortagne, France pour faux. Le tourisme qui envoie top rapport qu'elle a été l'attard à Madrid. Il faut le reconnaître, ni pour te désive des petits radicales. C'est le compte de nos cités, ça, si vous voulez. Nous, actuel, mortuel. Donc, versaire, poids, exca. Vers notre cousu. Esprenda, mais la prima maire. Puleu kida, leu prisa faire. Merci pour ces infos, c'est génial, j'adore. Et juste pour dire, ça vient d'un collectif qui s'appelle Faune Radio, PH. A-U-N-E Radio, si vous faites une petite recherche sur Internet, pour celles et ceux qui ont Internet, vous pouvez retrouver. Et pour les autres, peut-être on pourra vous filer l'adresse à la prochaine émission, parce qu'il y a d'autres trucs intéressants qu'ils font. Mais voilà, et du coup, c'était au c'est cours des mignon. Nuits de la faune, c'est quelqu'un qui a fait un montage de journaux de France Info. Philippe écoutait France Info, d'ailleurs, assez régulièrement, pour avoir les informations en bref. Après, il faisait le décryptage lui-même. Voilà, il faisait la double, triple, quadruple lecture. Mais voilà, il y avait souvent France Info. Ça n'a pas bercé mon adolescence, mais presque. Et voilà. Après, il écoutait aussi France Culture, quand même. Et FIP. Et non, ça fait une super transition avec ce que je voulais dire maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu surréaliste de prendre des bribes comme ça de discours. Et ce que je souhaite faire est en lien un petit peu avec le surréalisme. Et c'est vrai qu'en fait, pour développer la partie activité, comme je parlais tout à l'heure, du centre de vacances, j'ai eu l'idée, entre guillemets, de faire une association qui serait l'Union régionale de l'intelligence normale à élever. Donc si vous arrivez à trouver les anagrammes, vous avez le droit d'adhérer à l'association. Voilà, je pense que autour de la table, il y en a qui ont trouvé déjà. Non, tu veux pas dire anagramme, tu veux dire le sigle. Voilà. Si vous trouvez le sigle, vous avez le droit d'adhérer. Je vous le donne en mille, l'Union régionale de l'intelligence normale à élever, ça donne l'urine. Voilà. Donc, pour faire venir les gens et déculpabiliser les gens, d'ouvrir des livres de philosophie, de politique, de sociologie, d'ouvrir du Michel Foucault, je vous propose de quitter l'usine pour l'urine, en fait, voilà, pour leur congé payé. Voilà. Après, on aura effectivement, je parle de Michel Foucault, on aura aussi des petits dictons. Michel Foucault, savoir ses pouvoirs, par exemple, voilà, ça donne envie d'ouvrir le livre déjà, ça donne envie d'avoir le pouvoir. Donc, c'est vrai que c'est une manière, en fait, de prendre un peu le contre-pied politique et philosophique, intellectuel, effectivement, et vraiment déculpabiliser les gens en disant qu'on est tous intelligents, en fait. Il faut arrêter de dire qu'on est des cons, entre guillemets. On a tous notre vécu, notre histoire, mais on est tous capables de réfléchir et d'avoir une pensée critique. Et il faut juste donner les moyens, effectivement. Par exemple, un autre postulat, c'est qu'on n'aura pas de télé. Donc voilà, on aura des livres, mais on n'aura pas de télé. Donc les gens pourront éteindre la télé. Internet. On aura accès à Internet. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises sur Internet, notamment des chihuahuas ou des petits chatons qui font pleurer les gens. Mais non, il y a juste... on va essayer de déculpabiliser les gens en parlant d'intelligence normale à élever et en parlant de ce qu'ils sont, en fait, de pourquoi ils sont là et pourquoi peut-être que la philosophie a toujours été chez eux une porteur, mais qu'ils ont jamais osé ouvrir et qu'ils connaissent Michel Foucault, mais qu'ils ont jamais Je fais un blocage sur Foucault, je pense que il faut que je fasse attention. Non, mais il y a vraiment de tout dans la bibliothèque de Philippe. C'est vraiment très ouvert. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même des livres sur l'économie, des livres sur le nucléaire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est accessible à tout le monde. Il y a de la bande dessinée, il y a de l'art. Il y a vraiment, il faut juste permettre aux gens d'y avoir accès, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et du coup, alors, à l'état actuel, ce projet, il en est où ? Alors, à l'état actuel, je réfléchis à ce projet. J'essaie de le concrétiser depuis la mort de Philippe. Là, je suis dans le démarchage des banques. J'ai terminé mon plan comptable. Mon plan comptable, c'est le plan comptable puisque c'est l'expert comptable qui l'a réalisé. Petit aparté, c'est vrai que quand j'ai rencontré l'expert comptable et que je lui ai parlé de mon chiffre d'affaires, il m'a dit « Non, mais 100 000 euros, c'est rien ». Donc j'ai un petit peu rigolé, je lui ai dit « Excusez-moi, c'est pas rien, 100 000 euros ». On n'a pas la même notion. Voilà. Il y en a qui gagnent jamais ça dans toute leur vie. Oui. Vous voyez ce que ça veut dire ? Il y en a qui courent après pour toute leur vie. Donc arrêtez de dire que c'est rien. Il a très bien compris. L'idée, c'est à peu près 8 ans de SMIC, quoi. Et 8 ans de travail d'un SMICard. En RSA, on n'en parle même pas. Ça va être supprimé de toute façon. C'est 8 ans de RSA. Voilà, c'est vrai que donc j'ai fait cette phase-là. Effectivement, j'ai des capacités financières qui sont limitées, malgré l'héritage financier dont je parlais tout à l'heure. J'ai pas la capacité, puisque effectivement le bien que j'ai repéré est estimé par des finances publiques, hein, puisque c'est un bien qui appartient à une collectivité. Donc c'est les finances publiques qui l'estiment. Il est estimé à plus de 400 000 euros. Donc voilà. Donc autant dire que je n'ai pas la capacité financière de payer 400 000 euros plus tous les investissements qu'il y a derrière. Et donc je suis quand même assez tenace et je vais essayer de négocier le prix. Et donc là, la prochaine étape, c'est d'aller voir les établissements bancaires pour savoir combien à quoi j'ai droit, entre guillemets, et ensuite faire une proposition à la ville de Cognac, puisque c'est la ville de Cognac qui est propriétaire des lieux. Voilà. Une question. Tu dis beaucoup « je », tu parles d'association, mais tu es tout seul à la portée pour l'achat et pour la gestion. C'est parce que là, les banques te donnent les sous, mais très rapidement, tu vas devoir un peu chiffrer tout ça et entamer des remboursements, parce que la banque, c'est jamais gratuit et t'as un échéancier. Comment pas gérer ça, mais est-ce qu'il y a aussi des gens avec toi autour pour t'épauler dans ce cadre-là? Ben oui, c'est vrai que j'ai pris le parti dans cette émission de parler de moi et de parler en mon nom, parce que c'est ce que je connais et voilà. C'est vrai que par contre, à la mort de Philippe, avec ma compagne qui elle passait à l'époque le concours du CAPES pour être prof d'espagnol, qui était à la 6e tentative et qui avait décidé donc en mars, avant la fin des examens, que c'était la dernière année où elle le passait et que après on allait faire un centre vacances dans les Pyrénées, enfin un lieu de vie quelque part ailleurs, autre chose, qu'on allait sortir de tout ça pour vivre et prendre soin de nous-mêmes au lieu de courir après une situation de manière assez rigolote. Elle a eu son concours, puisque je pense qu'elle était du coup décomplexée de toute contrainte. Et elle a eu son concours, donc elle est actuellement stagiaire prof d'espagnol. Et elle est partie prenante du projet à 100%, dans la limite où elle est aussi avec un poste derrière. Ensuite, il y a mon frère, qui est Yann Antini, qui n'est pas le fils de Philippe, par contre, mais que je considère comme mon frère, et qui est intermittent du spectacle à l'heure actuelle, régisseur, et qui fait de la musique électronique, qui a sorti son premier EP d'ailleurs, c'est What's Up, si vous voulez aller voir. Il y a un Facebook, il y a un SoundCloud, What's Up. Voilà, et donc lui, il adore aussi la cuisine et il serait chargé de la partie restauration. Voilà, donc pour l'instant, on est tous les trois sur le projet. En fait, on s'est recentré bon gré mal gré, entre guillemets, c'est-à-dire que on a cherché en fait à élargir notre projet à notre entourage qui avait les mêmes convictions que nous, sociales et solidaires. Et on s'est vite heurté en fait à la réalité, qui est que quand les gens ont un peu d'argent de côté, ils préfèrent le garder pour eux, pour acheter leur propre lieu, etc. Donc, c'est un projet qui petit à petit s'est recentré sur la famille et sur nous trois. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un projet fermé, au contraire. On est en demande s'il y a des gens, des auditeurs qui sont intéressés par l'urine, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. On ne leur pissera pas dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut qu'ils aient des sous pour investir ? Non, pas du tout. Il faut qu'ils aient l'envie, d'avoir envie. Voilà. Ok, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc tu as choisi une chanson pour la fin de l'émission. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ben oui, c'est vrai que voilà, je parlais justement de l'entourage, etc., des amis, de la difficulté à faire venir des gens et aussi de la difficulté voilà, des établissements bancaires, de la chambre de commerce, de tout un lexique. Voilà. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu sors du salariat, par exemple, comme toi, tu nous as expliqué que tu sortais du salariat. Mais en fait, si tu veux mener à bien ton projet, t'es obligé de repasser par toutes les institutions, par les banques, enfin tout ce système qui est en place actuellement. En fait, tu peux pas y échapper. Oui. C'est un petit peu. Moi, j'habite à Bordeaux. Pour venir à Nantes, je suis pas obligé de passer par l'autoroute, mais si je prends l'autoroute, je suis obligé de passer au péage qui est propriété de Vinci Autoroute, voilà, concédé gracieusement par l'État. Enfin bref, c'est un autre débat. Et du coup, effectivement, c'est assez difficile, voilà, de s'approprier un lieu et comme disait Karl Marx, pour se libérer, il faut que les ouvriers s'approprient les moyens de production. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est quand même assez difficile. Et voilà, c'est un projet qui n'est pas encore terminé, qui est à la phase 2 ans après. Et voilà, j'espère qu'il aura une suite assez belle, mais je suis pas décideur, je suis pas banquier, je suis pas millionnaire, même si j'ai joué au loto. Voilà, c'est difficile, mais je m'accroche, comme je disais, c'est assez viscéral. En fait, voilà, je crois en l'humain, je crois qu'on est capable de faire des choses ensemble, même si on n'est pas d'accord entre nous sur la totalité de ce qu'on discute. Voilà, il faut que des projets émergent et que qu'on se serre les coudes pour montrer que d'autres valeurs sont là. Voilà. Je crois que Philippe jouait au loto parce qu'il espérait gagner assez de fric pour changer la table de mixage alternante et les micros et tout ça, mais il en rêvait. Oui, on a retrouvé les bulletins du loto, ils jouaient toujours les mêmes numéros. Voilà. Donc il y avait nos dates d'anniversaire notamment. Voilà. Et je voulais finir, je ne sais pas si c'est exactement le moment, par une petite musique des Berruriers Noirs. En fait, encore une fois, dans mon adolescence, j'ai trouvé une cassette audio du live des Berruriers Noirs, concert d'adieu à l'Olympia en 1989. Et je l'ai écoutée tellement qu'elle s'est distendue, cette bande. Voilà, le concert 89. Et je voulais dire à Philippe, salut à toi et salut à tout le monde. Et voilà, tu restes avec nous, tu restes dans notre cœur et on pense à toi, voilà. Salut à vous tous, merci. Et que vive le rock libre. Y'a toi plein de chariens, y'a toi brun berbat, y'a toi le dissident, y'a toi le chilien, y'a toi le tibalien, y'a toi le moïcan, y'a toi peuple gitan, y'a toi l'éthiopien, y'a toi le tchadien, salut à vous les partisans, y'a toi joli avant, y'a toi le vietnamien, y'a toi le cambodgien, y'a toi le japonais, y'a toi thaïlandais, y'a toi le laotien, y'a toi le coréen. Y'a toi le polonais, y'a toi l'irlandais, y'a toi l'européen, y'a toi le mongolien, y'a toi le mongolais, y'a toi le portugais, y'a toi le mexicain, y'a toi le marocain. Salut au cours. la toile à Versailles.